Exercice 2. Mais il y a le même problème avec le téléphone. C'est vrai, mais la différence, c'est qu'avec Internet, les gens ne se sentent perdus. Par exemple, si vous voulez résoudre un problème, qui allez-vous contacter? Une personne par téléphone? Eh bien oui, c'est la seule possibilité. Il n'y a aucun contact physique. Vous ne voyez personne. D'accord, mais vous pouvez aussi faire une réclamation. Ah oui, et comment? Par téléphone ou par écrit? Vous voyez bien que tout ça, c'est immatériel, que vous ne pouvez rien toucher. Vous ne pouvez même pas remplir un simple formulaire avec questions et réponses. Vous devez tout faire indirectement et les gens se sentent frustrés. Ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre, attendre et encore attendre. On a l'impression de perdre son temps.